Le panneau indique une place de stationnement, réponse A, une issue de secours, réponse B, un emplacement d'arrêt d'urgence, réponse C.